de tout seul, c'est son talent. Tire son râle pour la mode, j'ai garanti ses grosses proles. On prépare le tri, fais chauffer le iPod. Pour un son trop authentique, 100% raté, on encule les maisons 10. Quand je prends le micro, c'est pour dire que c'est fait. Je suis en machine, usine arrive, usine arrive, usine à résine. Cousine, air carbure, y'a pas un sang qui tourne en boucle. Y'a que mes compères derrière, frère, t'es sûr et plus son. D'ailleurs, ce sont assassins. T'as le parapluie tout d'un coup, t'as cliqué, mais t'avais jamais entendu ça. Donc lève ton poing en l'air, sous frère de guerre. Ouais, si t'adhères, tu crois que tes corps en son, c'est la souche. T'as aussi l'emmène les politiques comme à la boucherie. Fuck the girl, la souche te dévoile.